La du Barry était-elle blonde ou brune ? Par le docteur Cabanès. Ne criez pas à l'invraisemblance. Je les ai vus, je les ai tenus entre les mains. Dieu me pardonne, je les ai palpés, presque avec amour, tant ils étaient fins et soyeux, et si doux au toucher. J'ai pu toucher ses cheveux, écrivait naguère M. de Goncourt, à qui échut la même bonne fortune qu'à nous-mêmes. Je n'ai jamais rencontré de cheveux de créature humaine ressemblant aussi complètement à de la soie. Ferez-vous enfin cesser notre incertitude? De quels cheveux nous parlez-vous donc? N'avez-vous pas deviné qu'il s'agit des cheveux de la du Barry? La du Barry. Sommes-nous assez irrespectueux, nous les juges, nous la postérité? C'est la revanche de l'histoire, et combien elle fut terrible pour la favorite, qui paya de sa tête le crime inexpiable d'être belle. Belle l'était-elle vraiment? Qu'elle ait paru à certains, comme le duc de Choiseul, médiocrement jolie, ce jugement est trop intéressé pour avoir quelque valeur. Ce n'était point assurément un modèle de beauté classique, aux traits réguliers, impeccablement dessinés. Sans doute il faut se défier des amoureux posthumes. Ils ignorent la désillusion, n'ayant vécu que dans le rêve. Devons-nous pourtant tenir pour exagérer ces formules laudatives, les plus charmantes séductions de la forme, les plus délicats attraits, la plus mignonne perfection d'un corps et d'un visage, qui semble réaliser l'idéal de la jolie femme française du XVIIIe siècle. À coup sûr, elle avait des formes provocantes, des lignes voluptueuses, des promesses sensuelles, celles qui devaient réussir à conquérir le cœur d'un roi. Et de quel roi? Un être mobile et inconstant entre tous, de l'éternel ennui dont rien n'arrivait à dissiper la noire mélancolie. C'est à la détailler surtout que notre admiration haussera de ton, tout en restant dans les limites que nous impose le souci de la vérité. Avant de procéder à une analyse plus minutieuse, nous permettrez-vous de faire passer sous vos yeux un croquis, une silhouette, mais de portraitistes qui, par état, ne sont pas des flatteurs, ce qui est un gage de leur sincérité. Dans le journal qu'ils rédigeaient pour leur maître, le lieutenant de police de Sartines, les inspecteurs notaient le 14 décembre 1764 ce signalement. Une jeune personne de 19 ans, grande, bien faite, l'air noble et de la plus jolie figure, c'est la demoiselle Beauvarnier, sic, la maîtresse de du Barry, qui l'a produit en loge aux Italiens. Voilà qui marque une date. C'est la première apparition de la femme encore inconnue qui gravira 5 ans plus tard les degrés d'un trône. Le 22 avril 1769, Louis XVI, qui n'était encore que dauphin de France, consignait dans son journal ces simples mots « Présentation de Madame du Barry ». Entre ces deux dates, 1764 et 1769, se placent toutes les étapes d'une ascension longuement et, nous pouvons le dire, savamment préparée. La présentation de la favorite. Quelle évocation d'un décor prestigieux. Un accident arrivé au roi avait fait ajourner la cérémonie. Puis on avait été occupé des préparatifs du mariage entre le duc de Chartres et mademoiselle de Penthièvre, célébré le 5 avril 1769. Enfin, le jour tant espéré était venu. La comtesse du Barry, sic, avait eu l'honneur d'être présentée au roi et à la famille royale par la comtesse de Béarn. À la présentation, la malignité avait beau jeu et ne se faisait pas faute de s'exercer sur la débutante. De l'aveu de tous, Madame du Barry sortit à son honneur de l'épreuve redoutée. Tous les spectateurs ne purent s'empêcher d'admirer la noblesse de son maintien et l'aisance de ses attitudes. Dans le rôle de femme de cour, on est ordinairement dépaysé, les premières fois qu'on s'y essaye. Madame du Barry l'avait remplie comme si elle eût été habituée depuis longtemps. Ainsi parle un nouvelliste. Mais il s'en faut que tous les témoins de la scène mémorable aient eu la même indulgence. Comment, par exemple, va-t-elle être jugée par les femmes? On sera curieux de connaître l'impression de l'une d'elles, malveillante, il est vrai, à son ordinaire. Madame de Genlis, qui a codifié l'étiquette et dont le jugement fait sur ce point autorité, ne trouve rien à reprendre. Les lois de l'étiquette ont été scrupuleusement observées. En faisant les 3 révérences d'adieu, la nouvelle admise ne s'est pas embarrassée comme bien d'autres dans l'immense queue de sa robe. Le salut a été gracieux à souhait, et l'élève du maître de danse Vestris a fort bien profité de ses leçons. Mais notre malicieuse Cayette va se rattraper sur le sujet lui-même. Le coup de patte est bien envoyé, et le joli minois portera la trace des griffes. Au jour, poursuit Madame de Genlis, sa figure était passée et des taches de rousseur gâtaient son teint. Son maintien était d'une effronterie révoltante. Ses traits n'étaient pas beaux, mais elle avait des cheveux blonds d'une couleur charmante, de jolies dents et une physionomie agréable. Elle avait beaucoup d'éclat à la lumière. Cheveux blonds, vous avez bien lu. C'est un témoignage à noter, le premier en date. Nous allons du reste le voir confirmé par d'autres contemporains notoires, ce qui nous permettra de formuler plus tard de très nettes conclusions. Peine superflue, nous réplique-t-on. Pas si sûr que cela. Il en est encore pour prétendre que Madame du Barry était brune, et c'est pour cela qu'une démonstration étayée d'arguments s'impose. Ne croirait-on pas, en vérité, qu'il s'agit d'un débat grave entre tous? Vous connaissez sans doute le délicieux portrait dû à la plume de ces stylistes prestigieux que sont les Goncourt. Au surplus, nous allons le reproduire, car il est, nous l'établirons, rigoureusement exact quant aux détails particuliers qui nous préoccupent. Ses cheveux étaient les plus beaux, les plus longs, les plus soyeux, les plus blonds du monde et d'un blond cendré, et bouclés comme les cheveux d'un enfant. Elle avait, contraste charmant, des sourcils bruns et des cils bruns recourbés frisant presque autour de ses yeux bleus. C'est ainsi que l'ont vu tous ceux qui ont eu la faveur d'approcher la du Barry, et quelle que soit leur prévention, tous concordent au moins sur ce point. Le prince de ligne, ce fin observateur doublé d'un gentilhomme de goût, nous la représente grande, bien faite, blonde à ravir, front dégagé, beaux yeux, sourcils à l'avenant, visage ovale, avec de petits signes sur les joues pour le rendre piquant comme pas d'autre, nez aquilin, bouche au rire leste, peau fine. Elle n'était pas très grande, au dire d'une personne qu'étant jeune, Madame du Barry avait embrassée. Nous avons là-dessus une indication précise. Taille de 5 pieds 2 pouces, lisons-nous sur le registre d'écrou de Sainte-Pélagie. Cheveux et sourcils châtains, affirme le même document. Châtain, cela prête à controverse. Il y a le châtain clair et le châtain foncé, le châtain qui se rapproche du blond et celui qui se confond presque avec le brun. L'historiographe le plus autorisé de Madame du Barry pencherait vers la première hypothèse. Elle avait, écriva-t-elle, les cheveux blonds ou plutôt châtains très clairs, non pas de cette nuance pâle propre aux filles du Nord, mais du ton doré et chaud des blondes du Midi. Tous les témoins oculaires sont unanimes pour proclamer la surabondance luxuriante de sa chevelure, qui était un des avantages de sa beauté qu'elle soignait le plus et qu'elle devait savoir le mieux soigner, soit qu'elle portât les cheveux relevés en étage sur la tête, suivant la mode de 1769, épars sur les épaules comme en 1789, ou bouclés sur le front comme dans le portrait posthume de Condé en 1794, d'après Cosway. C'est sans doute dans un esprit de conciliation que Vatel, dont nous venons de reproduire le jugement, accorde à son héroïne des cheveux châtain clair. Pour nous, nous gardons la conviction qu'ils étaient blonds, blonds cendrés, et nous sommes d'accord sur ce point avec les contemporains eux-mêmes. Madame Vigée Lebrun, qui a publié ou plutôt inspiré des souvenirs sur les événements auxquels elle s'était trouvée mêlée, avait approché de très près Madame du Barry, qu'elle a peinte plusieurs fois d'après nature. Or, voici comment elle raconte sa première entrevue avec elle. C'est en 1786 que j'allais pour la première fois à Louveciennes, où j'avais promis de peindre Madame du Barry, et j'étais extrêmement curieuse de voir cette favorite dont j'avais si souvent entendu parler. Madame du Barry pouvait avoir alors 45 ans environ. Elle était grande sans l'être trop. Elle avait de l'embonpoint, la gorge un peu forte, mais fort belle. Son visage était encore charmant, ses traits réguliers et gracieux. Ses cheveux étaient cendrés et bouclés comme ceux d'un enfant. Son teint seulement commençait à se gâter. Quelque incontestable que puisse être l'authenticité de ses souvenirs, il faut bien tenir pour véridique ce qui n'est pas en contradiction avec les sources réelles et indiscutables. Mademoiselle Louise Fleury, femme de l'acteur Fursil, qui fut présentée à la favorite déchue presque à la même époque, en 1788, lui trouva, comme l'artiste peintre, trop d'embonpoint. Mais la coupe de son visage est charmante, Ses yeux sont doux et expressifs, et lorsqu'elle sourit, elle laisse apercevoir des dents éblouissantes de blancheur. Ses dents et ses yeux ont inspiré un poète du temps qui sera plus tard, aux ironies du sort, un des bourreaux de l'infortunée victime. N'est-il pas piquant de voir Madame du Barry posée devant la palette du futur acolyte de Robespierre, du beau et farouche triumvir Saint-Just? Ses yeux errants sous leurs paupières brunes, ses bras d'ivoire étendus mollement, et cette bouche est vermeille et petite, où le corail et les perles brillaient. Les caractéristiques de ce visage séduisant, c'est, outre le contraste de cette chevelure blonde avec des cils et des sourcils bruns et des yeux bleus, c'est, disons-nous, la fraîcheur du teint. Elle avait le teint laiteux, la peau rosée, et cela naturellement, car elle ne mettait ni poudre ni rouge. Un panégyriste, qui n'est pas un flatteur, le confirme dans les vers suivants, qui furent présentés à la favorite, dont un peintre probablement doué venait d'achever le portrait. Pour peindre du Barry sans le secours de l'art, il faut le plus beau teint, un coloris sans fard, le maintien sans apprêt, la taille fine et leste, l'air grand, majestueux, le riz noble et modeste. Elle eut cependant, à un certain moment, une tendance à la coupe rose, et c'est pour la combattre qu'elle prenait tous les jours un bain froid, et qu'elle ne portait, été comme hiver, que des vêtements très légers. En hiver, sous une longue pelisse, elle n'avait que sa chemise et un manteau de lit en batiste. En été, des robes ou des peignoirs de percale ou de mousseline blanche, tant la chaleur lui était contraire. Quelque temps qu'il fit, elle se promenait au grand air pendant plusieurs heures, estimant cet exercice salutaire et propre à dissiper ses rougeurs. On a insinué qu'elle aurait bien pu être affectée de quelque vilain mal, qui rendait dangereux son contact. C'était, au contraire, une exubérance de santé qui éclatait par tous les pores. C'était cette fraîcheur qui la rendait surtout séduisante, car jolie, elle ne l'était pas au vrai sens du mot. L'empereur Joseph II, venu en France en 1777, avait éprouvé une réelle déception. Sur la foi de la renommée, il s'attendait à trouver une beauté grecque, à l'ovale régulièrement tracé, et après avoir longuement causé avec la favorite déchue, tout en se retirant enchanté, il laissait entendre qu'il la croyait mieux de figure. Qu'elle n'eût pas la beauté froide et sévère de Marie-Antoinette, avec qui on la met parfois en parallèle, nous n'y contredirons pas. Mais elle avait une telle puissance de séduction qu'elle pouvait lutter davantage avec la reine. On a prétendu à ce propos que Louis XV trouvait la dauphine si charmante que Madame du Barry en aurait pris ombrage, et ce ne fut pas, dit-on, une des moindres causes de la haine que nourrissait la favorite à l'égard de Marie-Antoinette. Ce n'est pas le lieu de faire justice de cette fable ridicule qui ne soutient pas l'examen. Disons seulement que Madame du Barry avait usé de beaucoup de diplomatie pour gagner les bonnes grâces de Marie-Antoinette, et qu'elle avait réussi, sinon à lui inspirer de la sympathie, du moins à diminuer son insurmontable aversion. Puisque le nom de Louis XV vient sous notre plume, peut-être sera-t-on curieux d'apprendre quel était, des charmes de la favorite, celui que le vieux roi prisait le plus. C'étaient les quatre signes qui embellissaient son gracieux visage et que souvent il couvrit de baisers, un au-dessus du sourcil droit, un autre au-dessous de l'œil gauche, un troisième auprès de la narine droite, le quatrième au-dessous de la lèvre gauche. De tous ces signes, le registre d'écrou en note un seul, celui qui était situé au-dessous de l'œil gauche. Cela n'a pas, à coup sûr, grande importance. C'est au moins l'indice d'une observation insuffisante. S'il est inexact sur ce point, le signalement peut être également erroné sur la couleur des cheveux, que le rédacteur de la pièce déclare châtain, alors que nous croyons l'avoir suffisamment établi, ils étaient blonds. Voici d'ailleurs un document qui, en l'espèce, est péremptoire et devrait mettre fin à toute discussion. C'est le passeport délivré à Madame du Barry le 17 mars 1793, à son retour de Londres, où elle s'était rendue pour l'affaire du vol de ses bijoux. République française, au nom de la loi, département du Pas-de-Calais, district et municipalité de Calais, numéro 4829. Laissez passer la citoyenne devant Bernier du Barry, française, domiciliée à Louveciennes, municipalité de Louveciennes, district de Versailles, département de Seine-et-Oise. Âgée de 40 ans, taille de 5 pieds 1 pouce, cheveux blonds, sic, sourcils châtains, yeux bleus, sikh. Nez bien fait, bouche moyenne, menton rond, front ordinaire, visage ovale et plein. Et prêtez-lui aide et assistance, etc. En présence d'une pièce aussi formelle, il semble qu'aucun doute ne doive subsister. Et cependant, pour que des historiens, précis jusqu'à la minutie dans leur documentation, soutiennent une opinion diamétralement opposée à la nôtre, il faut qu'ils aient leur raison. Nous croyons avoir découvert où ils ont puisé les éléments de leur conviction. Ceux qui tiennent, comme M. Gelenôtre, que Mme du Barry n'avait pas les cheveux blonds, peuvent s'appuyer, outre la déclaration du registre d'écrou, sur un passeport délivré à Marly et où il est dit qu'elle avait les cheveux châtains. Mais il n'est pas encore question de cheveux noirs. Nous y arrivons. Nous n'avons trouvé qu'un témoignage, un seul, et il est très sujet à caution, en faveur de la thèse soutenue par notre sympathique et distingué contradicteur. C'est un récit extrait du journal de la Nouvelle Minerve et qui donne sur l'exécution de la du Barry les détails les plus circonstanciés. Nous n'en citerons que ce court extrait. Âgée alors de 42 à 43 ans seulement, elle en avait en réalité un peu plus de 50, étant née le 19 août 1743, bien que l'acte d'accusation la déclare âgée de 42 ans. Sa figure, malgré la terreur profonde qui en altérait les traits, était encore remarquablement belle. Entièrement vêtue de blanc, comme Marie-Antoinette qui l'avait quelques semaines auparavant précédée sur la même route, ses cheveux du plus beau noir formaient un contraste pareil à celui que présente le drap funéraire jeté sur un cercueil. Le narrateur a, cela saute aux yeux, cherché un effet. Mu par ce désir, il a tout simplement exagéré la note. Des cheveux châtains ou d'un blond cendré n'auraient pas ressorti dans ce cadre d'une éclatante blancheur. Et voilà comment le portrait était poussé au noir. Du reste, l'exécution eut lieu à la nuit tombante. Le témoin oculaire a bien pu n'y pas voir très clair. Testis unus, testis nullus, dit un vieil axiome de jurisprudence. Un témoignage unique ne saurait, en tout état de cause, prévaloir contre les preuves nombreuses que nous avons accumulées. La cause nous paraît entendue. Ainsi s'achève « La du Barry était-elle blonde ou brune ?» par le docteur Cabanès.